l'agonie, chapitre 7. Maintenant, ils sont devant la tente d'Elagabalus, entourés d'autres tentes par elle dominées que sépare un étroit intervalle, et toutes de pourpre brochées d'or, avec de larges bordures jaunes, des étoilements de perles et de pierres, des flottements d'oriflammes écarlates, tranchant haut le bleu du ciel, qui, à l'approche du soir, prend vers le couchant des douceurs rousses. Des prétoriens casqués et serrés d'une laurique, bombant leur poitrail, vont et viennent. Vont et viennent des femmes, dont la cyclas élargie a des reflets d'eau et des chamarrures fleuries, imprégnant d'ombres chromées le feutre blanc de leurs socs et les torques sonnant de leurs jambes, nues en dessous. Des prêtres du soleil encadrent la tente, fermée par une tapisserie babylonienne à la trame serrée de dessins, où d'extraordinaires végétaux enlacent le lamellement de leurs feuilles et des zoologies vertigineuses, mettant des pandores sur des têtes barbues de rois tiarés. Et des beuglements et des barrissements s'élèvent de cette partie du camp. Derrière une ligne de chevaux remuent des trompes grises d'éléphants, des cols velus de chameaux, des cornes recourbées de bœufs qui ont traversé tout l'Orient pour suivre le jeune dieu-homme Elagabalus, fils de Semias, le bel Antoninus, pontife de la pierre noire et empereur romain, et des rugissements de lions, des miaulements de léopards, en des cages de fer, se traînent au loin. Dans le demi-jour de la tente, où une cire à fumée planante brûle sur des trépieds bas, sur des coussins dont la couleur jaune se constelle de grosses améthystes, sous un dé plafonné d'une dense étoffe d'or, soutenue par quatre hautes piques fichées en terre et inclinées, s'affale une humanité somptueusement immobile. Une fastueuse figure de 15 ans, coiffée d'une tiara droite, tissée de perles, de gemmes, de métaux, portée sur des échappées de cheveux longs, noirs, par-dessus une blancheur d'épaules féminine, transparent sous une riche subcula de soie qui s'irise comme de la nacre. Et c'est là, en un écartement de jambes nues, Elagabalus, couché sur des peaux de panthère et montrant sa virilité jeune, qu'évente tranquillement d'un flabellum fait d'une grande feuille de lotus ployée à la pointe, un eunuque noir à peau blette, aux dents blanches, aux yeux blancs roulant niaisement. À ses côtés, comme en amphithéâtre, Alexianus et la mère d'Alexianus, Mamméa, sœur de Semias, et Mésa, l'aïeul à tous, dont la face parcheminée aux traits adoucis se tourne par instants vers Elagabalus, puis se plisse d'un trait léger lui traversant le front, coupé à son sommet d'un torulus de fil d'or. Près de Semias, dont la stola de soie se recouvre d'une lourde palla, réunie à l'épaule par une agrafe d'électrum, une palla aux plis roides de tapisseries chargées de dessins, rouges comme des couchers de soleil, verts tels que des profondeurs de forêt, bleus semblablement à des étalements de fleuves. Près de Semias, dont les gestes nerveux souvent font chatoyer le lemnicus diadémal d'un front bas de femme secoué de passion, une jeune fille aux lèvres rouges, aux yeux inquiets dont l'ombre violâtre, à l'attitude suspectante de la Vierge bientôt nubile, rit comme enfoncée en son giron, soulevée de rapides respirations. Au fond, Des prêtres du soleil processionnent devant le cône noir, ou comme un buste d'homme, posé sur un autel d'or, éclairé par des lignoucous chargés de lampes, qui jettent des luminosités en des recoins occupés par des coffres de bois précieux plaqués de cuir ornementé, pendant que des mages perses, à la grande barbe frisée, à la roie des royales robes, s'arrapissent, s'agenouillent devant l'image de l'antique fécondité. Quand, au seuil de la tente, dont s'écarte en un troublant la tapisserie surplombante, Attilius et Madée paraissent, c'est un petit cri de la jeune fille, une précipitation de regard de Sémias qui semble légèrement émue. En cet intérieur, où nage dans l'étouffante atmosphère, comme un relent de peau, comme une âcre respiration de poitrines humaines mêlée à de forts parfums, chacun a remué. Et la Gabalus se redresse à demi. Mésa reprend le pli douteux de son front. Mamméa presse tendrement du plat de sa main moite un genou de l'enfant Alexianus, dont l'attitude devient fière et roide, le buste frémissant. Se glissant des coussins en une torsion rapide du corps, la jeune fille se jette dans les bras d'Attilius, qui la serre sur les lamellements de sa poitrine d'or. C'est entre eux une longue caresse, un débordement de mots. Petite Attilia, fraîche sœur à la peau blanche d'un lys vasqué, ma sœur, frère, aîné, comme je suis frémissante à te revoir. Elle ne cesse de baiser les joues et les mains du frère, de s'enlacer à lui, de palper ses épaules et ses bras, sans plus voir, en un élan nerveux, comme venu d'une crise subite. Impassible, Elagabalus s'affale à nouveau sur les coussins, où le nuque noir l'évente du flabellum, mollement. Les cires brûlent, les prêtres du soleil tourbillonnent autour du cône noir. Les mages inclinent leurs faces barbues sur le triangle renversé de leur sarapis pourpre. Alexianus et sa mère se regardent. Mésa se détend peu à peu, et Sémias a comme un soulèvement des seins sous la stola qui fait craquer la lourde palla, et un coup de ses grands yeux noirs pour Attilius, qui, dans son calcoquito, garde une grande allure de capitaine latin, pendant que Madée s'immobilise à l'entrée, les bras collés au corps. Au dehors roule, en tonnerre lointain, coupant les rumeurs du camp, le choc des armes et le hennissement des chevaux, le grand rugissement, l'énorme glapissement des bêtes en cage. La frénésie fraternelle d'Attilia, toute de nerfs et d'explosions de sang jeune, expire en dernier baiser, en guérit regagnant l'empereur et sa mère, Mamméa et son fils, même l'aïeul Mésa, dont les faces éclatantes, dans le demi-jour, ont des éclairs qu'on dirait presque de bonté, tant leurs traits prennent de communes ressemblances à l'heure des vives émotions. La sœur d'Attilius regagne alors les coussins, en un mouvement ondulant de ses reins souples, sous la stola tissée d'or et couleur de rose pâlie, qui fait teinter les torques d'or de son col et jeter des reflets aux perles de sa chaussure jaune, gaufrée à la pointe, et virer sa chevelure aux boucles étagées, lavée le matin et toute jaune aussi sous des améthystes constellantes. Madée se dit qu'elle a grandi et minci, que son teint est plus blanc que jadis sous le léger rosy d'à présent. Et cette blancheur, née dans les gynécées ou à l'ombre opaque de la tente impériale, dont les étapes, depuis une année, sillonnent la route des Lagabalus d'autant de victoires sur le parti vaincu et d'enjambées glorieuses de son armée vers Rome, ressort plus nette du bord des paupières et des cils, noircies avec de l'antimoine, soigneusement. Il revoit, en un éblouissement, et Metz où elle a vécu et où il l'a connue. Ses jardins, ses palais aux terrasses droites, ses horizons bleutés animés d'allées de sycomores et de palmiers, d'autels fleuris de fleurs larges comme des soleils naissants, de rivières très nascentes aux reflets roux, où plongent leur ombre des feuilles marbrées de végétation. Et de grands escaliers qu'enfante elle gravit avec les femmes de Semias. Des temples aux colonnades torses, des théories de prêtres mitrés portant la pierre noire. Des foules prosternées devant le jeune empereur, des soldats et des esclaves courant en des tumultes, de boucliers soulevés. Et des embrassements d'hommes, en des salles ouvertes sur des atriums coupés de bassins, emplis de crocodiles vivants. Béants parmi des sagittaires plats, qui s'épointent vers le ciel en lames monstrueuses. Vision suggestivement profonde. Ah, elle fait monter aux yeux de Madé, pourquoi, une larme, crevant à peine en une douleur aiguë, qui est presque de la volupté pour sa physiologie déviée d'homme qu'Attilius veut déviriliser, et qu'il essaie de cacher, pendant qu'émerge lentement, comme une apaisante consolation, en le lointain des paysages asiatiques, la bonne figure de Gaël. Attilia ouvre sur lui ses yeux d'un violet noir velouté qui semble rêver des rêves inquiètement fébriles. Ses mains aux doigts chargés de bagues se rejoignent sur les genoux arrondis, dont la blancheur crève la finesse de l'étoffe plissée tumultueusement. Au loin roule le rugissement des lions, l'énorme miaulement des léopards. L'empereur dit lentement à Attilius, que toujours regarde Semias, cette fois très fixement, qu'il a élevé au primicia de sa garde pour sans cesse l'avoir à ses côtés, et avec lui gravir le Capitole dans le triomphe prodigieux de demain. Légèrement, il met sa main sur sa bouche pour étouffer une sorte de bâillement. Au dehors, dominant des commandements secs de centurions, des musiques de saltérion et de guitare se trament à des mélodies barbares, aiguement pointillées d'airs de flûte. Des heurts d'armes trépitent, des hennissements fanfares pendant que les prêtres du soleil se jettent à plat devant le cône noir, comme anéantis par la lourdeur fuligineuse de l'atmosphère. Que les mages psalmodient une mélopée inconnue, et que rugissent et miaulent, en une furie sans fin, les lions et les léopards.